Alors que Chatterton est sur le point de se suicider avec une fiole d'opium, le Quaker, sous le sceau du secret, lui révèle l'amour de Kitty Bell. S'il se tue, elle mourra de douleur. Mais voici à nouveau Lord Talbot avec ses compagnons. Il a appris la misère de Chatterton, que l'impitoyable John Bell parle déjà de chasser de chez lui, puisqu'il est sans ressources. Mais Lord Talbot s'engage noblement à l'accueillir dans sa propre maison quand survient le Lord Maire Beckford.